À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammad Buhari, commandant en chef des forces armées, a fait parvenir une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. L'ambassadeur nigérien par intérim en Corée l'a transmise le 6 courant à un cadre coréen intéressé.